Je sais. Turn up. On fait pas mort dans Bendo. On travaille trop pour ça. La rue là pour me love. Les ni problème et maman. En cabou et woman et si cadan. Caposé sur la jode. Reality évidemment. Pas qu'à parler salade. Mika lâche. Sous quoi t'es dans si son wakalash. Que pas police là, nous connaît tous les allemands. PTZ dit l'on veut dire ça. C'est bel garçon, mais ou japonais qui j'en connais la vessale. En pagaille, jouer un verre collègue. Si ou pas payer un presta, ou j'ai bleu couleur, j'y vois pas démarrer en jabon et vincent. Ou y a dans sa vente qu'on bête, y'ou vé fou un beaucoup de là. En comprenant t'es Kevin Rich, I vendeur de misère, bébé shit. Dimanche soir, barrette à yes. Samedi, en t'es l'hôtel et bébé bitch. On fait pas mort dans Bendo. On travaille trop pour ça. La rue là pour me love. Les ni problème et maman. En cabou et woman, même si cadan. Caposé sur la jode. Reality évidemment. Pas qu'à parler salade. Mika lâche. Sous quoi t'es dans si son wakalash. On s'y se lève yon de. Fou game là au coup de kalash. De là, maman dit on vine fou. En ka marche qu'on voyou. En sait que ça en ka fait. Qui rapote moi en baquet sou. Voye tout moun chier. On t'y avait zami pour jouer les mauvais. Quand c'est la pote fait femme chier en soirée. Est-ce qu'il y a de l'issue. Pour vendre ça tout vol à bailler. J'ai qu'à t'en respecter la vie. Fait bien mandé. On allait. On mine le ballon faut crier. On crier en moi. Cabou et woman, même si cadan. Caposé sur la jode. Reality évidemment. Pas qu'à parler salade. Mika lâche. Sous quoi t'es dans si son wakalash. On s'y se lève yon de hache. On ka fou game là, on coup de kalash. Yo dim choisi. La jol ou l'homme. On veut s'en m'y aller. Mais c'est ça en fait. Jouer chez dangereux. River en studio ni en load de weed. Aka chanti en réalisé en tenis bon SP. C'est ça bon j'ai choisi. Bon moi on peut pas dire non. Lâche.